français. L'honnête Jenny. Il était une fois, dans la petite ville de Riverdale, vivaient trois amies qui s'appelaient Monica, Jenny et Gloria. Le jour où cette histoire commence, Monica était très heureuse car sa mère lui avait acheté un cadeau très spécial. Monica, dépêche-toi, tu vas être en retard pour l'école. Je pensais que tu voulais le montrer à tes amis dans le bus. Je leur montrerai à l'école. Comment vais-je faire si je le fais tomber? Merci, maman. C'est le crayon le plus beau, le plus joli, le plus mignon de tous les temps. De rien, ma chérie. Maintenant, dépêche-toi. Allez, ou le bus va démarrer sans toi. Et c'est donc comme cela qu'on résout? J'ai quelque chose à vous montrer. Wow! C'est un crayon ou une poupée? C'est mon crayon poupée ou ma poupée crayon? Je n'ai jamais vu un crayon comme ça. J'aimerais trop en avoir un. Ne le touche pas, tu pourrais le casser. Les crayons, ça ne se casse pas juste en les touchant. Et s'il se cassait? Qu'est-ce qu'il se passe ici, Monica? Désolée, madame. C'est la récréation. Dehors, tout le monde. Mais soyez de retour à l'heure pour votre leçon d'anglais, d'accord? Viens, Monica, on joue à trap-trap. Non, je dois rester dans la classe pour m'occuper de mon crayon. C'est bête, viens plutôt jouer. Si tu ne viens pas, je te prends ton crayon et je te le casse. Gloria, ne dis pas des choses aussi horribles. Je plaisante avec toi. Allez, viens. Oups, j'ai oublié mes lunettes en classe. Gloria, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me les chercher? Oui, madame. Crayon, il n'est plus là. Il est forcément quelque part. Allez, cherche-le. Pourquoi tout ce raffut ici? Madame, c'est ma poupée crayon. Mon tout nouveau crayon poupée. Je ne le trouve plus. Où l'as-tu rangé? Je l'avais rangé dans mon sac et maintenant il n'y est plus. Tu es sûre que tu ne l'as pas emporté à la cantine ou dans la cour de récréation? J'en suis sûre, madame. Quelqu'un me l'a volé. Monica, avant d'accuser quelqu'un comme ça, va chercher ton crayon à nouveau, s'il te plaît. Je vais avec elle, madame. Il faut d'abord vérifier le sac de Gloria, madame. Je l'ai vu regarder le crayon de Monica quand elle est venue chercher vos lunettes. Que veux-tu dire par là? Tu vois, il n'y est pas. Comment peux-tu accuser ainsi quelqu'un de vol, Monica? Elles cherchèrent partout, mais le crayon n'était nulle part. Mon crayon a été volé, madame. Je suis sûre que tu l'as juste perdu, Monica. Si quelqu'un retrouve le crayon de Monica, merci de nous le rapporter. Jenny! Le dîner est prêt. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Je ne suis pas une voleuse, maman. Je sais ça, Jenny. Raconte-moi, que s'est-il passé à l'école aujourd'hui? J'ai pris le crayon poupée de Monica. Quand on est revenu de la récréation pour le cours d'anglais, j'ai vu que son crayon était tombé de son bureau. Alors je l'ai caché dans mon cartable pour lui faire une blague, je te promets. Eh bien alors, Jenny, rends-le lui. Je peux pas. Je voulais justement la lui rendre quand d'un coup elle a dit que quelqu'un avait volé son crayon. Elles ont même dit que c'était Gloria qui l'avait volé. J'ai eu peur, maman. Qui me croira si je dis que je l'avais caché pour rigoler? Ils vont tous penser que je l'ai volé. Ce n'est pas important ce que pensent les autres, Jenny. Jenny, dis-moi, as-tu envie que ta meilleure amie soit triste? Jamais! Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, maman? Va à l'école demain et raconte à tout le monde ce que tu as fait. Demande pardon et rends le crayon, Jenny. Et si je fais ça, tout le monde va me traiter de voleuse. Monica et Gloria ne me parleront plus jamais. Ça, c'est un risque que tu dois prendre. Veux-tu faire ce qui est juste ou non? La vérité a de grands pouvoirs, Jenny. Si tu dis la vérité, même si les autres sont en colère contre toi pendant un moment, ils finiront par t'apprécier à nouveau. Tu verras, Jenny. Maman, j'ai peur. S'il te plaît, viens avec moi à l'école. Non. Si je viens avec toi, tu n'apprendrais jamais la valeur du courage. Tu vas devoir faire ça toute seule. Mouah. Je t'aime, Jenny, et je suis de ton côté, d'accord? D'accord. Quelqu'un a retrouvé le crayon de Monica? Oui, madame, moi. Mon crayon! Merci, Jenny! Tu l'as retrouvé! Non, je ne l'ai pas trouvé. Je l'avais pris. Quoi? Hier, le crayon de Monica est tombé de son sac pendant le cours d'anglais et j'ai pensé que ce serait une blague rigolote de le cacher pendant un petit moment. Mais juste au moment où j'allais le lui rendre, elle a dit que quelqu'un l'avait volé et j'ai eu trop peur. Et tu n'as rien dit pendant qu'on m'accusait, moi, de l'avoir volé. Je suis désolée, Gloria, vraiment désolée. Tu as montré ton sac et tout le monde t'a cru, mais moi j'ai eu peur. Et si quelqu'un avait voulu voir mon sac et trouver le crayon poupée, je suis vraiment désolée, Gloria. Jenny, je ne te parlerai plus jamais. Jenny est une voleuse. Assez. Silence, tout le monde. Est-ce que vous réalisez que Jenny n'était pas obligée de rendre le crayon? Et pourtant, elle l'a fait. Elle aurait pu mentir et dire qu'elle avait retrouvé le crayon par terre, n'est-ce pas? C'est bien de dire quelles erreurs ont fait les autres, mais cela demande beaucoup de courage d'admettre nos propres erreurs. Et c'est exactement ce que Jenny a fait. Nous devrions être fiers d'elle. Et dites-moi un peu, Jenny n'est-elle pas une gentille fille et votre amie à tous? N'a-t-elle pas toujours été une élève travailleuse et une camarade gentille et attentionnée? Oui, madame. Jenny a toujours été gentille avec tout le monde. Elle est gentille, amicale et très sérieuse en classe. Oui, madame. Jenny a toujours été gentille avec tout le monde. Elle est gentille, amicale et très sérieuse en classe. Et Monica, tu adores ton crayon, mais cela ne t'autorise pas à paniquer autant si tu le perds. Comment as-tu pu penser que quelqu'un de la classe l'avait volé? Je suis désolée, madame. C'est de ma faute si Jenny a eu peur. En fait, n'importe qui aurait eu peur s'il avait su qu'on traiterait de voleur alors que c'était juste une petite blague. Je suis désolée, Jenny. Désolée, tout le monde. On est désolée, Jenny. Oui, tu es vraiment courageuse. Désolée, Jenny. Seuls les gens courageux accepteront leurs erreurs et admettront la vérité. Souviens-toi, l'honnêteté est toujours le bon choix à faire.